Alors hier, je voulais vous dire, vous avez fait une émission sur Nirvana. Super, hein, vous avez frôlé le niveau de Sud Radio. Et alors là, vous avez été vraiment au sommet. C'est lorsque sur Smells Like Teen Spirit, sur l'intro, vous avez osé parler. Alors je vous rappelle que cette émission est présentée par Philippe, à la technique Roger, au café Pierre, et la femme de ménage s'appelle Christine. On ne parle pas sur l'intro d'un morceau si mythique. Je passe l'aspirateur en écoutant Blockbuster. En tant que néo-bobo bouddhiste de gauche, je voulais vous dire à quel point j'ai été déçue de l'émission sur le nirvana, qui est passée totalement à côté du détachement et du bonheur nécessaire pour l'atteindre. C'est tellement décevant pour France Inter. Je suis actuellement enceinte de 7 mois et pendant l'émission d'aujourd'hui sur Nirvana, mon bébé s'est mis à faire des pogos et des slams dans mon ventre. Merci pour ce moment bien sympa. Je vous ai entendu dire que Kurt Cobain aurait dû tester un régime sans gluten pour ses problèmes de ventre. Ben moi, je pense que sans produits laitiers, il aurait jamais pu faire carrière vu le nombre de Français qui ont chanté du Nirvana en yaourt. Ça me fait du bien, je vais vous le dire, que vous parliez de Nirvana aujourd'hui. Parce qu'en fait, je suis né la même année que la mort de Kurt Cobain. Et je pense au plus profond de moi-même être la réincarnation de Kurt. Voilà. Franchement, vous pouvez faire attention quand même aux spoilers. Il y a des gens qui n'ont pas vu forcément tous les films que vous présentez, hein. Donc s'il te plaît, pour les prochaines fois, prends des pincettes et raconte-nous pas la fin. Merci. Oh là là, 3 jours de retard, la honte. Bon, ben, trop content de vous retrouver, Blockbusters. Toute l'équipe, les filles, les gars, Fred qui nous a manqué. Bon, allez, faites-nous plaisir. C'est parti. To be or not to be, not to be. Vous vous souvenez quand c'était simple d'acheter des jouets aux enfants? Moi j'ai grandi dans les années 80, et je me souviens, les adultes de cette époque ils se posaient pas autant de questions que nous. Hein. Moi à Noël, on m'offrait un gros monsieur musclé en plastique baptisé Musclor, parce qu'il avait des muscles, hein. Il aurait été maigre, on l'aurait sûrement appelé Maigror. Musclor, c'était un plastique made in China. Il était bronzé, il avait un slip en fourrure, une épée et un tigre de combat. Et quand il n'était pas Musclor, il s'appelait Adam, prince d'Eternia. Il avait la même tête et le même corps, sauf qu'il n'était pas bronzé. Il portait un gilet moulant et un slip rose au-dessus de ses collants blancs. Et quand il était dans cette tenue, eh bien, il était peureux. Musclor, c'était Patrick Juvet avec le corps de The Rock. Bon bah, est-ce qu'à l'époque, on se posait des questions sur le message sous-jacent de tout ça? Que nenni! On filait ça aux gamins en espérant avoir gagné 2 heures de tranquillité. Moi aujourd'hui, depuis que je suis papa, quand je vais acheter un vélo à ma fille, je suis en PLS si elle choisit un vélo rose. Je me dis, oh, la vache, c'est quand même vachement genré. À Pat Patrouille, je vais préférer la sororité des petits poneys. Devant Miraculous Ladybug, je me demande ce qu'en pensent Mona Chollet et Virginie Despentes. Je me prends la tête tout le temps. Une fois, mon fils a voulu que je lui achète une sorte de Barbie Reine des Neiges. J'avoue, j'en suis pas fier, hein, mais j'ai tiqué. Je l'ai acheté, mais l'espace d'une seconde, j'avoue, j'ai tiqué. Je me suis demandé, et si les parents de ses copains ne sont pas aussi éveillés que moi? Est-ce qu'ils vont pas se moquer de lui? Je me suis ressaisi, je me suis avancé devant la vendeuse, tout fier d'avoir surpassé mes préjugés de genre. Je m'attendais à ce qu'elle me regarde, un peu impressionné, genre « Oh, quel père progressiste vous êtes !» Et là, elle m'a juste dit « 29,90€, s'il vous plaît. » France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Passons naviguer, Barbie Saint-Trope, sur ton voilier, Barbie Saint-Trope. Profitons du vent et du soleil, nous irons très loin découvrir des merveilles. Partons la journée, nous ferons un pique-nique. Passons naviguer, Barbie Saint-Trope, sur ton voilier facile. Attendez, nous irons très loin avec Barbie Saint-Trope. Barbie Saint-Trope et le voilier sont vendus séparément. En 1959, s'inspirant d'une poupée allemande nommée Bild Lili, Wolf Handler, l'épouse d'Eliot Handler, un des PDG de l'entreprise Mattel, crée pour sa fille Barbara la célèbre Barbie. Cette poupée aux cheveux blonds, à la poitrine opulente et aux très longues jambes. C'est un succès immédiat, et très vite, dans un contexte marqué par la guerre froide, Barbie incarne une certaine idée de la réussite à l'américaine. Agence d'intérim à elle toute seule, elle est ce qui peut faire tous les métiers, et peut à la fois tout avoir. Villa, bateau, hélicoptère, même en vétérinaire, Barbie continue de très bien gagner sa vie. 61 ans plus tard, Barbie est connue sur la planète entière et reste encore un des jouets les plus plébiscités. Pourtant, Barbie a dû changer, s'adapter et composer avec une époque où la représentation féminine n'a de cesse d'évoluer. Pour retracer son histoire, j'ai avec moi Anne Monnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice au département des jouets du Musée des Arts Décoratifs et avez été commissaire de l'exposition Barbie en 2016, toujours au Musée des Arts Décoratifs. Tout à fait. Avec moi également Elvire Duvel-Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne membre des Femen et co-créatrice de Clit Révolution, autrice avec Sarah Constantin de manuels d'activisme féministe aux éditions des femmes Antoinette Fouque, illustrée par Alice Dess. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Avec nous également au téléphone Elisabeth Mouette, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de Mattel France. Exactement. Et enfin, aussi au téléphone, tout à l'heure, nous serons avec Manuela Frécile, réalisatrice du documentaire Pour de vrai, produit par Arte et dispo en VOD. Ensemble, on va revenir sur la jeunesse de Barbie, ce qui a fait son succès, sa capacité à avoir su se réinventer au fil des années, mais aussi ce qui a pu ou pose encore problème dans sa manière de représenter les femmes. En gros, est-ce qu'on connaît aussi bien Barbie qu'on le pense? Et ça, on a un peu moins d'une heure pour le découvrir. J'ai 5 Barbie. Je suis ta meilleure amie. Tu viens jouer avec moi? Il y a un garçon moi aussi. C'est un garçon Barbie. C'est son frère. Parce que ici c'est le pays des filles, donc on l'a jamais vu. Ils le connaissent pas. Comme vous a dit Mélina, ma soeur, Barbie a aussi un mari qui s'appelle Ken. Mais non, elle a pas de mari. Ma soeur dit que c'est son frère, mais moi je dis plutôt que c'est son mari. Non, c'est son frère. Et ma sœur trouve que c'est un peu rigolo, les Barbies. Et elle aime ça aussi quand elle fait des bisous avec les Barbies et avec son frère, comme elle le dit. Anne Monnier, d'où vient Barbie ? Alors Barbie, c'est la cristallisation d'une longue histoire de la poupée. Il faut savoir qu'au début, au XVIIIe siècle, les poupées sont uniquement des accessoires de mode. On habille la poupée pour montrer en fait ce qui se fait de mieux de mode à Paris. Donc la poupée voyageait dans toute l'Europe et le temps qu'elle arrive dans une petite cour allemande, la mode avait changé 5 fois, mais ça posait pas trop de problème. En fait, le côté très mode de Barbie, c'est lié à toute cette histoire de la poupée qui a glissé progressivement donc de ce rôle de mannequin au premier sens du terme, un rôle de jouet pour enfants, à la fin du 19e siècle, on trouve encore que les poupées sont trop axées autour de la mode. Les parents ont peur de ces poupées qui peuvent encourager la frivolité chez leurs enfants. Donc on voit que cette idée de la méfiance vis-à-vis de la poupée n'est pas neuve. Et c'est qu'au 20e siècle que la poupée va devenir une petite fille, un poupon, que la petite fille va materner et envers laquelle elle aura un rôle de mère. C'est toujours des nourrissons. Non, ça peut être des petites filles qui ont le même âge. Il y a des poupées qui sont liées à un magazine qui s'appelle La Semaine de Suzette, où le but c'est de réaliser sa propre garde-robe en tant que petite fille et la garde-robe de la poupée. On est habillé de la même façon. Et est-ce que c'est vraiment réservé aux petites filles ou il y a des petits garçons aussi qui peuvent avoir des poupons? Alors malheureusement, j'ai pas du tout de traces de ce qui se passait réellement dans les chambres d'enfants parce qu'on sait que quoi que pensent les adultes des jouets, ce que les enfants en font est très différent. Mais à l'époque, la poupée, c'était vraiment pour que la petite fille s'entraîne à devenir une bonne maman et une bonne maîtresse de maison, parce qu'avec la maison de poupée, on pouvait gérer déjà son petit ménage. Donc il y a quand même quelque chose de très très formateur au départ dans la poupée grand public. Complètement. De toute façon, au 19e siècle et au début du 20e siècle, le but du jouet, c'est aussi d'imiter les parents. Donc quand on est une petite fille, on imite sa maman. Quand on est un petit garçon, on imite son papa. Et du coup, on a la petite boutique en miniature, si papa est crémier ou boucher, etc. Et comment s'est distingué Barbie? Qu'est-ce qui la différencie de ses autres poupées, justement? Quand Barbie apparaît en 59, il n'y a pas du tout de poupées qui ressemblent à des femmes. Donc les poupées de mode dont je vous ai parlé au 18e et au 19e siècle, elles ressemblaient à des femmes parce que le but, c'était uniquement de les habiller et de leur coudre des vêtements. Là, quand Barbie apparaît, on a complètement oublié cette tradition de la poupée qui ressemble à une femme pour avoir que des poupées petites filles ou poupons. Et donc Barbie est une femme, elle est destinée à des filles qui sont plus vieilles qu'aujourd'hui. C'est un jeu pour filles de 13-14 ans. Et donc, elles sont censées, avec Barbie, se projeter dans un avenir qui est finalement pour elles assez proche. Et il y a l'aspiration de la poupée Bill de Lily. Tout à fait. Est plutôt destinée à un public adulte. Alors en fait, c'est cette histoire de Barbie et de Bill Kelly, c'est lié au fait que Ruth Handler avait donc cette idée de faire une poupée en trois dimensions en voyant sa petite fille Barbara jouer avec des poupées de mode en papier. Donc elle voit ses enfants jouer avec cette poupée en 2D et se dit il faut faire la même chose en 3D. Mais Mattel refuse, donc l'entreprise que gère son mari, parce que les cadres de Mattel les cadres de Mattel qui sont tous masculins ont en fait très peur de ce corps de femme qu'il va falloir représenter, de ce qu'on va pouvoir garder, de ce qu'on va devoir enlever pour ne pas effaroucher les gens. Et donc ils expliquent à Ruth, qui est très proche de son mari mais qui a quand même dans ce monde d'hommes une place un petit peu ambiguë, que c'est trop cher à réaliser. Ruth part en vacances en Allemagne et en Suisse et elle trouve dans une boutique cette Beat Lily, donc qui n'est pas du tout un jouet, qui est une poupée bibelot. Les pubs de Beat Lily à l'époque disent « Wer mit Liebe schenkt an Lily denkt » quand on veut penser, quand on veut montrer de l'amour, on offre Lily. C'est un cadeau qu'on fait à sa maîtresse, c'est un cadeau qu'on fait entre adultes pour s'amuser. J'aurais c'est pu pas le traduire, hein, parce que vous savez, je maîtrise l'anglais comme je maîtrise l'allemand, enfin vraiment. Allemand, première langue. Je suis super humble, c'est pour ça. Et du coup, Ruth va rapporter une Built Lily et va demander à l'équipe de Mattel de faire la même chose, mais en jouet. D'accord. Donc en fait, c'était vraiment en voyant Built Lily, elle a eu la concrétisation de l'idée qu'elle avait déjà eue aux États-Unis. Tout à fait. Elle s'est dit en fait, c'est possible. On me dit que c'est trop cher, mais c'est possible. Donc moi, je veux la même chose en jouet, avec un plastique plus doux, avec des dimensions différentes, et surtout avec le fait de pouvoir l'habiller et la déshabiller, parce que Built Lily, elle avait une seule tenue. Mais Built Lily, c'est une pin-up dans les petites BD qui paraissent dans Built. On voit Lily qui rentre chez elle avec des traces de mains noires partout sur le corps et qui dit à sa colocataire « Oh là là, je suis tombée en panne au bord de la route, heureusement qu'un gentil monsieur m'a aidée. » Donc c'est vraiment, il y a un humour un petit peu graveleux, on n'est pas du tout dans l'univers du jouet. D'accord. Alors là, je m'adresse à Elisabeth Mouette. Que représente Barbie pour l'entreprise Mattel ? Elles sont indissociables, enfin l'entreprise et Barbie sont indissociables l'une de l'autre, mais est-ce qu'on peut la considérer comme la mascotte de Mattel ? Alors, c'est vrai que quand on pense en général à Mattel, on associe souvent Barbie. C'est le premier nom qui vient et c'est un peu une emblème. Après, derrière la société de Mattel, il y a énormément d'autres marques extrêmement connues, tout aussi emblématiques, notamment Fisher-Price en est un exemple, Hot Wheels, Polly Pocket, les jeux de société, le Uno, le Scrabble, etc. Donc Mattel va bien au-delà de la simple Barbie, mais c'est vrai que dans l'association, dans la tête de la majorité des gens, souvent, Mattel est associé à Barbie en premier lieu. Donc c'est un emblème, mais c'est loin d'être le seul avec toutes les marques que je viens de citer. Et aujourd'hui, est-ce que Barbie a toujours le même rayonnement que lors de sa création ou est-ce qu'il y a vraiment une diversification de l'entreprise Mattel pour aller vers d'autres secteurs ? Alors, il y a une vraie diversification. Néanmoins, Barbie reste extrêmement important. Et quand vous dites à l'origine, comme le disait Anne Monnier, c'est plutôt un flop en fait, hein, parce que c'est refusé au démarrage, comme vous le citiez. C'est également présenté à la Toy Fair de New York, et on ne peut pas dire que ça remporte un grand succès auprès des industriels du jouet, qui rejettent plutôt ça. C'est également présenté dans des focus groups, donc dans des rencontres avec des mamans pour essayer de comprendre et de présenter la poupée. Et les mamans aussi sont plutôt en rejet de cette poupée parce que à l'époque, on l'imagine dans la société des américaines d'il y a 61 ans maintenant, la priorité pour les mamans, c'est le bien de leur enfant. Ça n'a pas changé. Et le bien de leur enfant voulait dire faire en sorte de trouver mari à leur petite fille plutôt que de faire en sorte que la petite fille se projette dans son monde de demain, dans des métiers et dans son émancipation. Donc le démarrage de Barbie est quand même assez difficile et ce n'est qu'en rencontrant réellement la petite fille via l'essor de la télévision, via justement des publicités de Barbie qui apparaissent dans l'émission de Mickey Mouse Club, que la Barbie rencontre son public. Donc le démarrage de Barbie est mine de rien assez douloureux et de nos jours Barbie reste un incontournable et un jouet qui plaît aux petites filles mais aussi aux petits garçons, même si ça se dit moins, mais en effet les garçons jouent aussi. Quand on regarde les frères et sœurs jouer ensemble, ils manipulent aussi les Barbie et ça reste un emblème et un produit extrêmement important pour la société Mattel. Donc c'est vraiment la publicité qui a marqué un virage dans la propagation de Barbie sur la planète. Et c'est vraiment la rencontre avec ces petites filles qui a permis de donner réellement envie et de faire en sorte que ces mamans se projettent sans doute un peu plus et se mettent à acheter cette Barbie. Et c'était l'objet de la création de Roofhandler, hein. C'était vraiment ce qu'elle nous dit et ce qu'on on garde en mémoire et ce qui fait partie de l'ADN, c'est de faire en sorte que grâce à la poupée et grâce à la Barbie, la petite fille puisse devenir qui elle veut et se projette à travers la poupée pour devenir qui elle veut et d'être toujours incarnée une femme qui a le choix et qui a une certaine liberté. C'est là l'origine de Barbie. Très bien. On va continuer de parler du phénomène Barbie, mais pour le moment, on va écouter Nancy Sinatra avec « Ses bottes sont faites pour marcher ». Non, vous ne m'entendrez pas le dire en anglais. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. C'était Nancy Sinatra dans Blockbuster sur France Inter. On ne joue plus, Ken. Qu'est-ce que l'Otso a fait à Buzz et comment on le remet en marche? Tu ne peux pas me faire avouer, traîtresse. Mais essaye un peu pour voir. Bon alors, voyons voir. Ouh, le joli maillot de bain hawaïen. Oh non, Barbie, c'est vintage. Tant pis, vas-y, déchire. Ça m'est égal, de toute façon, j'en ai plein. Oh, le smoking à paillettes. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, même pas mal. C'est pas grave, les paillettes, c'est ringard, tu peux y aller. Oh, la jolie veste Bollywood. Barbie, pas ça, non. Elle date de quand? 1967, non? La collection Popstar, c'est ça. T'es trop bête, hein? Oh non, non, non, non, non. C'est écrit dans le mode d'emploi. Oh, oh. L'Otso a branché Buzz en mode démo. Dis-moi, où est ce mode d'emploi? C'était un extrait de Toy Story 3, une scène de torture où Barbie maltraite la garde-robe de ce pauvre Ken. Alors je rappelle que vous pouvez durant tout cet été via notre répondeur nous laisser un message au 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, nous raconter un souvenir avec Barbie. Moi j'ai des souvenirs de Barbie, j'ai pas honte de le dire, j'ai joué avec la Barbie des fois. Nous sommes toujours avec la conservatrice Anne Monnier, la réalisatrice Manuela Frécile nous a rejoint, l'autrice Elvire Duvel Charles et la directrice marketing de Mattel France, Elisabeth Mouette. Et là, je vais m'adresser à Manuela Frécile. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réalisé un documentaire intitulé Pour de vrai, produit par Arte et disponible en VOD, dans lequel vous illustrez les différentes manières qu'ont les enfants de s'approprier le mythe Barbie. Et qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ? J'avais une petite fille à ce moment-là qui est devenue grande maintenant et qui était totalement, enfin, que je retrouvais assez régulièrement au pied de son lit à 3h du matin en train de jouer avec ses Barbies. Et je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce qui l'a passionné à ce point-là, quoi. Et elle a fini. Et donc du coup j'ai entrepris ce travail de comprendre ce qui se passe derrière la porte de la chambre des petites filles quand elles jouent au Barbie. Et donc voilà. Et ce que j'y ai découvert, c'est que contrairement effectivement à l'image qu'on pourrait avoir et que moi-même, comme en tant qu'enfant, on m'a renvoyé, c'est que la Barbie était une femme objet. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est pas vrai. C'est que, en fait, justement, la projection, le fait que la Barbie est un corps sexué de femme, de femme, fait que les enfants l'utilisent. Pour se projeter et s'inventer des histoires de femmes puissantes, en fait. Et ce que j'ai trouvé, c'est que il s'avère que il y a plein de Barbie a plein de copines et tout ça, donc il y a un collectif de femmes qui peut exister dans cette projection de ce qu'elles appellent un jeu, mais qui en fait sont des scénarios. Mais il n'y a qu'un seul homme, c'est Ken. Et en plus, il s'avère que Ken, très souvent, sa tête, elle tient pas. Il est décapité. toujours, les Ken ont souvent une tête qui tient pas, qui est décapitée, alors que les Barbie, ça tient bien. Ce qui fait que, voilà. Et en fait, pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, en fait, c'était plus une projection de l'homme comme objet des femmes que la femme objet, comme on pourrait le croire a priori. Et elle raconte des histoires de qu'est-ce qu'on fait qu'un homme, qu'est-ce qu'on va faire des hommes ou d'un homme, voilà, de Ken, quoi, de l'unique Ken. Voilà, effectivement, avec des stéréotypes de genre, hein, je ne veux pas nier qu'il y a pas de stéréotypes de genre, il y a bien sûr des stéréotypes de genre, mais elle se projette comme des femmes puissantes et non pas comme des femmes soumises. Il y a une vertu émancipatrice donc chez Barbie dont on parle peut-être pas assez. Je ne sais pas si c'est, on pourrait dire émancipatrice, parce que c'est quand même, ça, c'est vrai que ça, la Barbie, elle a un corps, le corps idéal de la femme idéale dans le monde contemporain qui est loin d'être idéal. Donc ça, c'est sûr que, mais en tout cas, effectivement, elles ont cette vertu de permettre à des enfants de s'inventer un monde de femmes adultes. Et effectivement, de femmes qui ne sont pas assignées simplement à la maternité et à la maison. Barbie, elle est toujours dehors, en fait. Elle est presque jamais dedans, dans les histoires que les enfants racontent. Elle est toujours... elle lui arrive des aventures. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Manuela Frécil, pour ces précisions. Et je rappelle que votre documentaire Pour de vrai, produit par Arte, est disponible actuellement en VOD. Merci beaucoup. Merci. Elvire Duvel-Charles, j'aimerais savoir, en tant qu'activiste féministe, avez-vous joué à la Barbie ? Bien sûr. Alors, ma mère en était désolée, puisqu'elle a toujours essayé de me préserver de Barbie, donc elle ne m'a jamais acheté de Barbie. Préserver, le mot est fort. Préserver, et malheureusement pour elle, ses tentatives étaient vaines, puisque j'avais quand même des copines plus âgées, des grandes sœurs, des copines, etc., qui me refilaient leur Barbie. Donc mes Barbie avaient les cheveux très emmêlés, mais j'ai beaucoup joué à Barbie, ouais. Et alors, est-ce que vous aviez déjà... Qu'est-ce que vous aviez à dire déjà sur la représentation féminine qu'incarne Barbie ? Bah alors, Barbie, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche essentiellement à la Barbie le plus souvent, ce qu'on entend le plus souvent, c'est que Barbie, elle a un physique complètement improbable, c'est-à-dire avec des proportions qui n'existent pas dans la vraie vie. Elle a les pieds moulés en sorte de pouvoir... aller dans des chaussures à talons, mais en fait Barbie ne peut pas mettre de baskets, faut le savoir. Alors je sais pas s'ils ont évolué depuis, mais ses pieds sont inclinés. Elle est blanche, aux yeux bleus, blonde. Enfin, en fait, elle représente un idéal de beauté qui est, je pense qu'on pourrait dire que c'est un peu le stéréotype poussé à son extrême de ce qu'on nous vend tous les jours à la télévision, dans les publicités, sur les magazines, etc., où en fait elle est très homogène. Il y a eu une tentative de Mattel récemment de la diversifier, et en fait quand on y regarde de plus près, on se rend compte que généralement en fait ça ne coïncide pas du tout. Alors Elisabeth Mouette, il y a effectivement, Mattel est assez vigilant sur l'évolution de la poupée Barbie, mais il y a eu énormément de tentatives ces dernières années, et certaines fructueuses, autour du changement à la fois de corps de Barbie, mais aussi d'origine ethnique. Est-ce qu'on peut un peu parler de ça Oui, bien sûr. Alors il y a en effet beaucoup de changements récents, mais même au-delà de ça, c'est vrai que ce que vous dites, souvent Barbie peut avoir cette image, et il y a beaucoup de projections en fait du monde de nous, le monde adulte, sur la Barbie. C'est pas forcément de la façon dont les enfants le voient. Après, juste pour donner quelques exemples, Barbie c'est la première à lancer en fait une poupée noire qui s'appelle Christie. On parle de 1968, hein, donc si on se repositionne en 1968, c'est le mouvement des droits civiques aux États-Unis, c'est l'assassinat de Martin Luther King, et donc c'est la première poupée noire qui est créée en soutien au mouvement pour l'égalité des droits. Donc voilà, l'engagement de Barbie vient assez vite. De la même façon, on a une Barbie, une Barbie latino qui apparaît aussi également dans ces moments. Et aujourd'hui, donc en 2016, on a eu des vrais changements, puisque on a entendu aussi cette évolution et cette critique de la société, même si encore une fois, je pense que c'est plus une représentation de l'adulte qui projette les propres difficultés du monde des femmes sur la Barbie. Barbie a beaucoup évolué. En 2016, on lui a ajouté des formes. On en a des beaucoup plus rondes, des plus grandes, des plus petites. Barbie a plus de 100 couleurs de peau, de textures de cheveux, de couleurs d'yeux, de formes de visage. Donc, elle n'est plus du tout uniquement blonde. Au contraire, il y a une vraie diversité. En 2019, on a sorti des Barbie avec une prothèse, justement, des Barbie en fauteuil roulant. En 2020, des Barbie avec la couleur de peau qui est pixelisée, avec la maladie vitiligo, une Barbie sans cheveux aussi. L'idée derrière Barbie, c'est de revenir à l'origine, à la volonté de Ruth Handler, qui est de faire en sorte que toutes les petites filles puissent s'y reconnaître et se projeter sans limite derrière tout ça. Et de faire en sorte que ça soit la poupée la plus inclusive qui soit, et elle est, pour l'instant, c'est le cas, elle est dénommée comme telle, pour justement que toutes ces petites filles ne se mettent pas de limite derrière tout ça. Barbie peut porter des baskets, hein, elle a aussi les pieds plats, selon les tenues, etc. Et juste un dernier point par rapport à tout ça, sur le corps de Barbie, parce que c'est vrai que ça a été un énorme sujet, et lors du changement de corpulence de Barbie en 2016, le Times avait sorti une couverture qui était « Now can we stop talking about my body ?»« Est-ce qu'on peut arrêter maintenant de parler de mon corps ?» Parce que c'est pas le sujet. En fait, l'origine même de ce corps, il est assez pragmatique, il est très orienté sur les enfants, et ça vient aussi de là. Pourquoi la taille de Barbie est si resserrée ? Parce que les mains des petites filles sont assez petites, et que c'est plus facile pour manipuler. Si vous regardez les enfants jouer, les petites filles ou petits garçons jouer avec les Barbie, ils le prennent au niveau de la taille et ils s'amusent à les faire marcher, etc., etc. C'est un peu comme les bouteilles d'eau pour nous qui ont le corps resserré. Pourquoi, enfin, si je puis me permettre, Action Man est quand même très très stock. Hein. Pardon. Je dis, si je puis me permettre, Action Man, qui est aussi une autre poupée avec laquelle j'ai joué, est quand même très stock et tient très bien dans les mains d'enfants aussi. Oui, non, tout à fait. Ouais. Mais enfin, en tout cas, la démarche, je dis pas, mais la démarche de l'origine était là. Le coup, c'est pareil, en fait. Hein. Elle a un coup complètement disproportionné, Barbie. Il est extrêmement long. C'est juste que pour mettre une texture, c'est-à-dire un premier chemisier, un manteau, permettre d'habiller, etc., bah, il faut grandir le cou, etc. Donc, il y a bien évidemment, d'un côté, une volonté de pouvoir se projeter et faire en sorte que la petite fille se projette plus tard, donc dans une corpulence assez féminine. Mais après, à côté de ça, il y a plein d'éléments très pragmatique en fait dans l'approche pour faire en sorte que tout ça fonctionne. On va continuer de débattre du côté pratique ou non du corps de Barbie, mais en attendant on va faire une petite pause musicale en écoutant l'impératrice qui nous interprète Fou. Ça démarre au quart de tour, la pensée fait des tours, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tambours, le fond de l'air est lourd et tu dérives encore. Faiblir interdit, sois cool, sois poli. tu cherches la sortie. Bye bye les gentils. Poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent. Passer les premiers frissons, passer le mur du con, t'as enfin pu dire non et tu l'as dit très fort. C'était fou de l'impératrice et j'en profite pour dire que cette programmation musicale nous est due à Muriel Pérez, que l'on salue. Frédéric Sigrist. So far so good. Blockbuster sur France Inter. Alors on continuait d'avoir un débat pendant la chanson de l'impératrice fou, ça veut pas dire qu'on n'écoutait pas, hein, c'est très très bien, mais c'est juste que voilà, on se posait des questions sur la poupée Barbie, et là, j'aimerais poser la question à Anne Monnier. Il y a eu cette révolution sexuelle, les années 60 aux États-Unis. Est-ce qu'on a senti un impact direct sur la manière de concevoir les poupées? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après 68, même dans la fabrication des poupées destinées aux petites filles? Alors, ce qui fait le succès de Barbie, moi je trouve, par rapport aux autres poupées, c'est que elle arrive à s'adapter justement à tous les changements d'époque. Après, elle les adapte un petit peu à sa sauce, mais en 1967, il y a un nouveau corps de Barbie qui ressemble en fait beaucoup plus au corps des mannequins du Swing in London. Donc, elle a plus cette poitrine très en avant, cette taille très resserrée qui était en fait le corps aussi des pin-up des années 50. En fait, Barbie, les changements de son corps arrivent toujours à coller à une sorte d'idéal féminin de l'époque. Quelle que soit la Barbie qu'on achète, il faut quand même toujours qu'elle soit vraiment très jolie. Et donc, moi, je l'ai plutôt senti, enfin, j'ai senti dans l'évolution de Barbie en préparant l'exposition des arts décoratifs que sa façon de se présenter changeait justement en fonction du regard qu'on avait sur les femmes. Par exemple, dans les années 70, Barbie devient souriante. Avant, elle a un regard un petit peu fixe, elle a une bouche un petit peu pincée, qui était peut-être l'idée d'une beauté inabordable, d'une femme fatale. Là, elle devient beaucoup plus avenante, une beauté peut-être plus proche. À la fin des années 70, c'est le corps de Barbie qui est un peu celui qu'on a en tête quand on a grandi dans les années 80-90, donc ce corps très sexué, qui est pas vraiment le même corps que la Barbie des années 2000, qui elle va ressembler plutôt à une adolescente. Bref, moi je trouve que les autres poupées bougent pas énormément. Quand on regarde les poupons ou les poupées pour petites filles, il faut vraiment attendre les années 2000 pour avoir une sexualisation que je trouve peut-être un peu dérangeante chez les Bratz, chez les Monster High, chez ces poupées qui sont en fait vendues comme étant des petites filles proches de la petite fille, mais qui sont extrêmement sexualisées, alors que Barbie, elle est vendue comme étant une femme. Donc voilà, moi je la vois, cette sexualisation, cette révolution sexuelle, je la vois vraiment dans la façon qu'a Barbie de devenir de plus en plus avenante, finalement. Et puis, je trouve que dans les autres poupées, ça se sent beaucoup moins. Elvire, est-ce que vous êtes toujours restée vigilante à ce qui se passait au niveau de Barbie, ou est-ce qu'il y a une autre catégorie de poupées qui, tout d'un coup, en grandissant, vous a dit « Ah, bah celle-ci, elle correspond plus à mes idées, à mes combats ?» Alors, malheureusement, de mon enfance, moi, j'ai eu que Barbie. Je dis malheureusement parce que je suis métisse, enfin, je ressemble pas du tout à Barbie. On a ça en commun. Voilà. Mais par contre, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir qu'il y avait d'autres poupées qui avaient émergé en 2014, je crois, ou 2013. Il y a la Millie, qui a en fait des tailles, enfin, qui a un corps normal, en fait, c'est-à-dire un corps assez standard, taille 38-40, qui est pas compressée comme si elle était dans un corset. Et moi, ce que j'ai trouvé hyper drôle avec la Millie, c'est que, par exemple, elle a des petits stickers vergetures ou des petits stickers cellulite, ce qui est hyper intéressant. Parce que ça permet aussi de dédramatiser, c'est-à-dire on a une poupée qui ressemble beaucoup plus à sa maman, ou à sa tata, ou à sa maîtresse. Et je pense que justement, Elisabeth, moi tout à l'heure, expliquait que l'objectif un peu de ces poupées-là, c'était de pouvoir se projeter dans un corps de femme et dans une vie de femme adulte. Et en fait, on observe, par exemple, ces 15 dernières années, une grosse augmentation de troubles de la dysmorphie et d'anorexie infantile chez les enfants. Et il y a plusieurs études aux États-Unis, notamment à l'université de Sussex, où ils ont testé sur des enfants de 5 à 8 ans de leur montrer des Barbie d'un côté et des Amy Doll, qui sont donc des espèces de Barbie mais avec des tailles plus normales. Et en fait, ce qui en découlait, c'est que les enfants qui avaient été exposés à des images de Barbie ressortaient de là avec moins de confiance en elles, avec une peur de grossir et avec une envie de devenir adulte et fine. Donc je pense qu'en fait, mine de rien, c'est des détails qui sont importants, parce que ça, c'est justement une projection de comment est la femme idéale, c'est-à-dire comment est-ce que je veux être quand je suis grande. Et on parlait aussi de la diversité des modèles de Barbie qui existent. C'est un effort que je trouve absolument, on ne peut qu'encourager la diversification des Barbies, mais force est de constater qu'en fait, quand on va dans un supermarché ou dans un magasin de jouets, on retrouve toujours la même Barbie, la Barbie fauteuil roulant, qui par ailleurs est essentialisée à ça et qui n'a pas de métier, enfin son seul rôle c'est d'être en fauteuil roulant, elle n'est pas vétérinaire ou maîtresse. La Barbie fauteuil roulant, en fait, on la retrouve pas quand on va dans n'importe quel supermarché ou dans n'importe quel magasin de jouets, et ça c'est important aussi à dire. Alors on le voit, hein, si Barbie est un jouet destiné aux enfants, elle fait beaucoup parler les adultes, hein, et souvent les enfants, ça leur passe au-dessus très largement, ils ont des fois bien raison. Mais Barbie, c'est vrai, ça a soulevé la polémique, et il y a des gens qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. La poupée Barbie, moi ça me sidère, mais vraiment ça moi me aussi, sidère. Moi aussi ça me sidère. Parce que ça c'est comme les couvercles de camembert qui se vendent, ou les sucres emballés qui se vendent. Je voulais dire ça, moi je ne dis pas ça sur les poupées Barbie. Pour moi c'est complètement inhumain, je sais pas, j'aime pas du tout la matière... Le sourire, toujours, elles sont un sourire béat. Le corps des femmes devient une marchandise, et la poupée Barbie là-dedans, ça fait partie de ce qu'on trouve dans la panoplie dès le plus jeune âge. Alors il y a la poupée, bon d'accord, la poupée, alors le mari, mais alors il y a la petite, le petit salon, la piscine, le cheval de Barbie. La maison de Barbie, c'est 60€ quand même. C'est pas négligeable dans un budget. Vous voyez, on prend Barbie, elle a forcément les cheveux longs, elle est forcément blonde. Alors, le petit détail quand même très intéressant, c'est que Barbie est toujours sur ses demi-pointes. Donc Barbie ne chausse que des talons. De ce que j'ai vu des poupées Barbie, notamment quand je regardais pour ma fille ce que j'allais acheter, je sais que je les ai toujours trouvées sans intérêt. Elle sourit tout le temps, c'est épouvantable. Un modèle qui sourit tout le temps, ça veut dire qu'elle ne peut pas montrer d'autres émotions que le sourire. Donc c'est ce côté très stéréotypé qui nous dérange. Elle est dans le luxe, elle est dans l'avoir, elle n'est pas du tout dans l'être. Je n'ai jamais vu Barbie qui semblait réfléchir, qui semblait mener une réflexion. Je suis mamie d'une petite fille de 5 ans, je n'ai jamais voulu une Barbie pour ma fille, car pour moi, Barbie est une pute. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. La violence de cette mamie. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que c'est vrai que même en préparant cette émission, j'ai souvent entendu des critiques vis-à-vis de la poupée Barbie, qui, rappelons-le, est quand même un symbole qui existe depuis très longtemps. Mais est-ce qu'au fond, on ne fait pas peser sur cette poupée une vraie discrimination qui existe partout ailleurs? Et en fait, on l'a fait peser sur Barbie que parce que c'est un jouet facile à identifier. Mais est-ce que finalement, ce côté normatif du corps idéal, blond, des yeux bleus, on la retrouve pas au cinéma, on la retrouve pas dans la musique, on la retrouve pas sur les plateaux de télé? Est-ce que les animateurs de BFM ou LCI ne ressemblent à autre chose? Est-ce que finalement, Barbie n'est pas tout simplement le miroir d'une inégalité des corps et des représentations qui existent partout ailleurs? Je vous pose la question à vous toutes. Oui, oui, évidemment. Elvire. Évidemment, moi je trouve que, enfin évidemment, c'est Barbie n'est hélas pas le seul, la seule raison pour laquelle les femmes peuvent être complexées par leur physique. Je pense que ce qui choque énormément chez Barbie, c'est qu'en fait, on retrouve les injonctions sexistes partout, comme vous le disiez, dans tous les objets culturels qu'on peut trouver autour de nous. Mais ce qui choque chez Barbie, c'est que ça s'adresse à un public qui est très jeune. Et en fait, je pense que c'est ça qui titille particulièrement. C'est en fait, ok, en fait, dès 5 ans, on va apprendre à une petite fille que c'est à ça qu'elle doit ressembler. Et c'est des stéréotypes, mais qu'on retrouve d'ailleurs dans quasiment... tous les jouets d'enfants, mais ce jouet-là, je pense que c'est le jouet par excellence aussi parce que c'est celui qui a traversé le temps et donc avec lequel nous-mêmes, on a féministes d'aujourd'hui, on a été éduqués aussi et je pense que c'est ça qui choque particulièrement. Mais il n'est pas question de mettre tout sur le dos de Barbie. Oui. Anne Monnier. Il y a un très bon documentaire d'Andrea Nevin qui s'appelle Tiny Shoulders qui était passé sur Hulu, donc les petites épaules, et qui montre justement qu'on fait peser sur Barbie beaucoup de choses. Moi, ce qui m'étonne beaucoup dans les réactions que vous avez proposées, c'est que les gens ne se posent pas la question pour les autres jouets. Mais finalement, quand on regarde les autres poupées, elles sourient. Et on a l'impression que les gens s'attendent à avoir des jouets du futur, une poupée dont on pourrait modeler l'expression. Mais finalement, même les Playmobil, on dit qu'ils ont une expression neutre, mais ils ont quand même un petit sourire bienveillant. On essaie quand même de vendre des jouets à des enfants. Oui, puis pareil, le corps des Playmobil, il y a des inconvénients. Le corps des Playmobil... Un Playmobil ne peut pas boire de bière. Tout à fait, il ne peut pas se moucher dans son coude. Il est très, très, très, très, très défavorisant en ce moment. Playmobil meurt du Covid-19. Exactement. Donc c'est vrai que je trouve aussi que Barbie, elle est en fait victime de son succès. Elle a un peu quitté le domaine du jouet pour devenir une icône de la pop culture. C'est Barbie Girl, c'est devenu aussi un mot un petit peu courant de dire qu'une femme ressemble à une Barbie. Et on a envers Barbie des attentes qu'on n'a pas envers les autres jouets parce qu'elle est devenue une personne de notre entourage. On parle de son corps comme si c'était un mannequin, comme si c'était une actrice, alors que finalement c'est un bout de plastique, c'est un jouet. Et ce côté, la Barbie blonde, la Barbie aux yeux bleus, la Barbie sur ses demi-pointes, qui est la Barbie avec laquelle on a pu grandir ou qu'on a pu offrir aux enfants en entendant les gens que vous avez enregistrés. En fait, elle cache complètement ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ce matin, je faisais un petit peu de recherche pour me préparer, pour venir vous voir, et je suis tombée sur Barbie juge. C'est la carrière de l'année aux États-Unis. Et effectivement, on voit Barbie avec sa robe noire et son petit marteau. Ça a l'air un petit peu bête. Mais moi, j'ai envie de l'acheter, cette Barbie. Et j'ai envie de m'imaginer rendre la justice avec mon petit marteau. Je trouve que Mattel fait beaucoup de choses aujourd'hui au niveau des carrières. Barbie architecte, Barbie robotic engineers, Barbie game designer, qui sont en plus des domaines où il y a peu de femmes. Chez moi, on a Barbie entrepreneur qui trône sur la table de nuit parce que mon mari entrepreneur. Et j'avais tellement envie de lui offrir cette petite Barbie avec son business plan. Je poserai la question à Elisabeth Mouat, mais est-ce qu'il existe justement dans les catalogues à venir Barbie altermondialiste ou Barbie décroissance? Alors, ça c'est encore un autre sujet et je ne vois pas les années à venir, mais c'est vrai, je voudrais juste revenir sur deux points. Je pense qu'en effet, on regarde beaucoup ça avec cet œil d'adulte et que les enfants ont sans doute un œil un petit peu différent. Parce que pour revenir sur la taille et la morphologie et le côté très blond et ainsi de suite, Barbie a en effet aussi évolué au fur et à mesure des temps, même si, comme je vous le disais, la première noire date, Barbie noire date de 68. Mais aujourd'hui, en termes de ventes, si on regarde purement les ventes, on a à peu près 60% des ventes qui s'en font sur la Barbie qui n'est pas la Barbie dite originale, donc c'est-à-dire la grande blonde avec la posture que l'on connaît. Uniquement 40% des ventes sont sur cette Barbie-là. Les autres sont des Barbies... métisses avec, encore une fois, des formes différentes, des chevelures différentes, etc., etc. Et je pense que les petites filles, et pour en avoir deux chez moi qui sont dans la tranche d'âge aussi, se posent beaucoup moins la question. Et même dans le choix qu'elles font, dans les rayons quand elles retrouvent ces Barbies-là. Et je vous invite vraiment à aller voir les rayons d'aujourd'hui, parce que en fait, on vend ça en assortiment. Donc il n'y a pas de choix possible. On n'est pas en train de dire on ne pousse que la blonde ou etc. C'est un assortiment de l'ensemble des poupées qui existent, notamment sur la thématique des fashionistas. Et elles choisissent tout simplement quand elles n'ont pas une ressemblance particulière ou un trait particulier avec une des poupées qui est présente sur l'étagère, elles vont choisir ce qui leur semble plaire le plus en termes d'habits, en termes de couleurs, etc., etc., sans regarder forcément la forme, la taille, les cheveux et ainsi de suite. Donc c'est aussi beaucoup un regard d'adulte, mais voilà, je voulais réévoquer ce chiffre de 60% des ventes qui se font sur la Barbie qui n'est pas de taille originale. Et j'aurais une autre question, parce que j'ai aussi une petite fille à la maison, et j'ai pu constater que Barbie, effectivement, a plein de métiers différents. Elle peut être voilà vétérinaire, médecin, astronaute, mais ces dernières années, j'ai pu voir que beaucoup de petites filles se tournaient vers des poupées très très marquées en termes de caractère, aussi de physique, mais aussi de pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez miraculeuse Ladybug, une héroïne comme ça, dont on suit les aventures à la télévision, qui évolue dans Paris. Il y a les super-héros girls avec Supergirl, Bad Girl et tout ça, et la fameuse Reine des Neiges, Elsa. Et est-ce que finalement, aujourd'hui, ce qui n'a pas encore été fait chez Barbie, c'est lui donner une histoire et des super pouvoirs pour en faire quelque chose qui arrive à échapper même au réel, c'est-à-dire aux besoins basiques de travailler, de gagner sa vie, d'avoir une maison. Finalement, est-ce que c'est ça encore l'idéal qui fait rêver, ou est-ce que c'est avoir des super pouvoirs? Alors, je pense que les super pouvoirs, et quand on remonte à notre enfance aussi, on a eu des émissions, des dessins animés où on a toujours eu des petites filles avec des super pouvoirs. Barbie, elle est moins là-dedans et elle est plus ancrée dans une certaine réalité, avec l'envie de faire en sorte d'accompagner les petites filles pour leur ouvrir des possibilités. Et juste Barbie est aussi extrêmement engagée, je ne sais pas si vous connaissez cette thématique, sur le plafond des rêves, on appelle ça le dream gap en anglais, qui fait qu'à partir de 5-7 ans, les petites filles commencent à croire un peu moins à leur potentiel de développement que les garçons. Et c'est assez incroyable ce qui se passe, et ça va à l'encontre de ce qu'a voulu faire Ofwandler en créant la Barbie. Et cette problématique, donc on a fait des études, encore une fois aux États-Unis, en France, avec Opinionway, pour essayer de cerner un peu mieux cette problématique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en France, on parle de 2020, l'étude date de 2019, on a encore une perception, et les enfants ont une perception très genrée des choses et très genrée des métiers. Et près de 2/3 des enfants considèrent que les métiers sont genrés. C'est quand même assez incroyable. 60% des enfants considèrent que, par exemple, le métier de pilote ou le métier d'astronaute est majoritairement pour les garçons. Seulement 2% des petites filles se projettent en tant qu'en France en se rêvant informaticienne. 6% en se rêvant sportif professionnel. Donc ça vous montre à quel point il y a encore des choses qui sont extrêmement genrées dans la perception et dans les stéréotypes que notre société transmet. Les enfants le ressentent. Et c'est un point sur lequel nous, en tant que marque, du fait de notre histoire aussi, on veut s'engager. Donc le super pouvoir de Barbie, il est plus là-dedans, il est plus dans quelque chose de plus réel, d'essayer de faire en sorte de montrer à toutes ces petites filles, en allant chercher un ensemble de personnages, de rôles modèles qui peuvent inspirer ces petites filles. D'accord. Que non, c'est possible. Je vous remercie. Je vous remercie, Elisabeth Mouette. Je vous remercie. Alors, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on va écouter The Strokes avec Brooklyn Bridge to Cross. To go in circles. is never enough. I just wait for this to go into circles. And the dust and spot in my room is anything so necessary. C'était The Strokes sur France Inter et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Aurélien Béton au téléphone. Bonjour Aurélien. Bonjour Frédéric, bonjour l'équipe. Bon, je vous pose la question parce qu'il n'y a aucune raison que ça soit genré. Est-ce que vous jouiez à la Barbie quand vous étiez petit? Ah, j'étais plutôt Ken personnellement, mais que Barbie. Ah bah oui, bah c'est et vous aviez, c'était chez vous, c'était une petite sœur ou une grande sœur, je sais pas. Non du tout, en fait, c'était moi qui avais ça, donc mes parents m'avaient offert du Ken, donc voilà, et puis je jouais avec. Eh ben c'est parfait. Alors, vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono, hein, vous connaissez le principe. Ouais. Si vous ne pouvez pas répondre, pas de problème, vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix. Ça marche. C'est parti. Première question. Comment s'appellent les parents de Barbie? Alors là. Ah, peut-être qu'il serait de bon ton d'utiliser un joker. Je pense. Donc je vais demander à Anne Monnier. Très bien. Anne Monnier, je vous répète la question. Comment s'appellent les parents de Barbie? Je dois donner un indice ou je dois répondre à la place d'Aurélien? Ah, vous pouvez répondre. Je crois que j'ai oublié leur prénom, c'est Monsieur et Madame Roberts, ça c'est sûr. Mais je ne sais même pas s'ils ont des prénoms dans l'univers de Barbie. Alors attendez, est-ce que là il y a un grand moment de malaise qui va avoir lieu? C'est que c'est pas Elliot. Ah, je pensais qu'on parlait des vrais parents de Barbie. Non, les faux parents. Les faux parents. Oui, c'est Ruth et Elliot Handler. Voilà. Alors attention, parce que Anne Monnier elle est tellement calée qu'elle avait carrément donné les parents des parents des créateurs. Oui, parce que Barbie a toute une biographie pour faire comme si c'était un vrai personnage. D'accord. Et pas juste un jouet. Donc, bonne réponse. Question suivante. En quelle année Barbie a-t-elle été créée? En 1959. Voilà, j'ai même pas besoin de donner les... Voilà, c'est une très bonne réponse. Et enfin, dernière question. Qui interprète cette fameuse chanson? Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl. Là, je sais qu'il y a plein de gens qui se disaient « Ah, ouf, on a réussi à faire l'émission sans m'entendre. » Mais non. Je pense que c'est à quoi? Eh bien, vous pensez bien. Bonne réponse Aurélien, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, donc on vous l'enverra quand il sera disponible, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Eh ben c'est super, je voulais vraiment vous remercier en fait, ça fait quelques années que je vous suis et merci pour votre émission, c'est vraiment super intéressant. Et moi qui ai une culture geek, je peux vous dire que vous m'apprenez des choses que je ne sais pas, donc c'est vraiment extraordinaire, donc merci à vous. Eh ben je suis ravi, merci à vous. C'est la fin de cette émission, merci à tous et à toutes, hein. Je aimerais remercier Elvire Duvel-Charles, Anne Monnier, Elisabeth Mouette, Manuela Frécile. J'aimerais également remercier Céline Hila qui a réalisé cette émission, Jeanne Paravert, Sarah Masson et Hugo Combe qui l'ont préparée, aidée par Tom Malky, notre stagiaire, et à la technique aujourd'hui, Guillaume Roux et Elisabeth Collet. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Est-ce que tout le monde est parti? Ouf! Oh ma zette, moi j'ai les zygomatiques en bouillie. J'aurais pas pu sourire une seconde de plus, je suis complètement épuisée. Et on se retrouve demain pour parler d'un livre qui, tout comme Le Seigneur des Anneaux, a défini l'heroic fantasy. Conan, le roman de Robert E. Howard. Mais dans quelques instants, vous allez retrouver le Mac de l'été avec Anna Sigalevitch. Bonjour Anna. Bonjour Frédéric. Alors, ce mercredi, j'hésite à vous demander où vous êtes parce que chez nous, il pleut. Vous allez encore me dire qu'il fait beau chez vous. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui? Oui, je dois vous avouer que le ciel est très très bleu, que nous sommes à Aix-en-Provence, au Festival International d'Art Lyrique, avec le directeur du festival, Pierre Audi, la compositrice Kaya Sahariao et la chef d'orchestre Susanna Malki. Eh ben voilà, je savais bien, je le savais qu'il fallait pas que je pose la question, parce qu'à chaque fois c'est je parfait, parce qu'il fait chaud, mais il y a un petit vent, enfin tout est absolument délicieux. Mais vous savez, c'est une pluie très agréable aussi sur Paris. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne émission. Merci beaucoup, à demain. À demain.